Chapitre 4. Le bonhomme se tut quelques instants. Je ne le harcelai pas avec les questions que j'avais tant envie de lui poser. Mais bientôt je le vis qui commençait, comme d'habitude, à dénouer les nœuds compliqués qu'il avait accumulés sur sa chère ficelle pendant le récit. « Je penche fort pour la culpabilité d'Edith Crawford, commençai-je, mais elle n'a pas, selon moi, commis cette horrible action elle-même. Quelqu'un dans la maison de Charlotte Square a pu être son ou sa complice et tuer Lady Donaldson tandis que Miss Crawford attendait les bijoux dehors. David Graham quitte sa marraine à 8h30 du soir. Si le complice est un des domestiques de la maison, il ou elle a largement le temps nécessaire pour l'assassinat et le vol, et Edith Crawford peut prendre le train à 9h06 à la gare de Calédonie. « Qui donc, selon vous ?» demanda le bonhomme en inclinant de côté sa drôle de petite tête d'oiseau déplumée. « Qui donc a proposé des boucles d'oreilles à M. Campbell ?»« Edith Crawford, naturellement, répliquai-je. Le bijoutier et l'employé l'ont tous deux reconnu. Quand essayait-elle de vendre les boucles d'oreilles ? Ah, voilà ce qui me stupéfie. Le 25, elle était à Londres et certainement elle ne serait pas revenue laver ses bijoux à Édimbourg, où cette opération comportait beaucoup plus de risques. D'autre part, le jour de son départ pour Londres, Lady Donaldson vivait encore. Alors ? Le bonhomme sourit et répliqua sur un ton d'impertinente vanité. « Eh bien, qu'est-ce que cela fait que Lady Donaldson ait été vivante ?»« Mais cela fait tout, croyez-vous. » »« Vraiment, mon enseignement ne semble pas avoir beaucoup amélioré votre façon de raisonner. »« Vous déduisez aussi mal que la police. » »« Lady Donaldson a été volée et tuée, et vous en concluez aussitôt qu'elle fut volée et tuée par la même personne. »« Mais il n'y a pas de mais. » »« Voyez comme tout cela est simple. » Miss Edith Crawford porte les diamants une nuit, puis elle les retire dans la chambre de Lady Donaldson. Rappelez-vous les paroles que prête à celle-ci la femme de chambre. Avez-vous bien tout rangé, ma chérie? Qu'est-ce que cela signifiait? Que Lady Donaldson ne pouvait pas voir si Miss Edith Crawford remettait vraiment les diamants dans le coffre-fort. Elle ne pouvait pas le voir, puisqu'elle posait cette question. Alors vous prétendez? Je ne prétends pas. J'établis des faits indéniables. Miss Edith Crawford, qui voulait voler les bijoux, choisit là une excellente occasion. Pourquoi aurait-elle attendu? Lady Donaldson était couchée, et Blanche, qui s'en allait, lui tournait le dos. Le lendemain, c'est-à-dire le 25, elle propose sans succès une paire de boucles d'oreilles à M. Campbell. Elle se décide alors à aller à Londres, où l'opération sera plus facile. La police ne s'est pas assez occupée de ses faits et gestes pendant ce séjour en notre capitale. On s'est borné à présenter au grand bijoutier de Londres sa photographie et à demander « Cette dame est-elle venue vous proposer des diamants ?»« Eh bien, quoique je ne possède pas les puissants moyens d'investigation de Scotland Yard, mon humble et rapide enquête m'a appris que le 27 octobre, 3 jours avant son arrestation, Miss Crawford passa en Belgique et revint à Londres dans la même journée. Les diamants de Lady Donaldson, dessertis, furent certainement l'objet d'une vente où vendeurs et acheteurs trouvèrent leur compte. D'ailleurs, ce renseignement n'était pas nécessaire pour tout comprendre, loin de là. Il a confirmé mes déductions, voilà tout. Et Miss Edith eût pu tout aussi bien bazarder les bijoux à Londres. Mais alors quel est l'assassin et quel mobile le guida? Ce fut un meurtre brutal et audacieux, souvenez-vous. Eh bien, cherchez donc celui qui, sans être le voleur, avait pourtant le plus violent motif de protéger ce voleur et qui ne pouvait en aucune façon être un complice. Pensez à une singulière nature, infirme physiquement et moralement. Vous savez comme ces natures la ressentent tout intensément, 1000 fois plus intensément que les gens ordinaires. Croyez-vous qu'un homme assez malheureux, pour avoir une telle nature, hésiterait un instant devant un crime, même le plus audacieux, pour sauver un être adoré? Je ne prétends pas que David Graham ait eu l'intention d'assassiner Lady Donaldson, certes non. Blanche lui dit que celle-ci semblait étrangement bouleversée. Il monte dans sa chambre, elle vient de découvrir le vol et suspecte naturellement Edith Crawford. Rassemble divers indices et vite en fureur, comme toutes les personnes un peu excentriques, elle parle de poursuites, de scandales, de prison. Et lui, affolé, la saisit à la gorge. Je crois que l'infirme voulait, dans sa naïveté de malade, simplement effrayer sa tante. Il serra trop, et sa stupeur dut être atroce quand il s'aperçut qu'il l'avait tuée. D'ailleurs, cela est encore sans importance. Rappelez-vous aussi que l'assassin est entré dans une maison pleine de monde et en est sorti comme par miracle. Personne ne l'a vu, personne ne l'a entendu. Qui donc ferma et ouvrit la porte de Lady Donaldson? Qui donc commit le crime? Quelqu'un qui, étant de la maison, n'avait ni à entrer ni à sortir et qui ne laissa nulle trace. Quelqu'un qu'on ne pouvait soupçonner. Quelqu'un qui tua sans la plus légère préméditation et même sans motif, car sa tante n'eut certainement pas porté plainte. Il tua sa vieille tante qu'il adorait, pour Edith Crawford. Et dites-moi si ce meurtre ne vous semble pas aussi héroïque qu'horrible. Et le voyez-vous, le malheureux maintenant, privé des deux seuls êtres qu'il aimait, premièrement, ayant tué l'un, deuxièmement, lâchement quitté par l'autre, une voleuse. C'était Le Mystère d'Édimbourg, par Emma Orczy.